force du printemps. Quand il vient au cœur de novembre jouer sa musique, dire le soleil de la nuit, la chanson du vent sur le toit, compagnon d'instants fantastiques. Traduire tout ce qu'elle m'a dit, prise dans l'étau de mes bras, pour ce voyage fantastique. De ces instants, ces délices harmoniques, retrouver ce goût, ce parfum, le velouté du satin, de sa peau douce et magique. Soleil de la nuit, la chanson du vent sur le toit, compagnon d'instants fantastiques, traduire tout ce que j'ai dit, pris dans l'étau de ses bras. Ce voyage magnifique, bien loin, loin, loin, loin, loin, cette désinvolture qui ne servait qu'à me cacher. Thank you. des mots. Que la poésie distille dans son alambic. Tire la force du printemps quand il vient au cœur de novembre. Jouer sa musique, jouer sa musique, jouer sa musique, jouer sa musique, jouer sa musique, jouer sa musique.